Tonight I would like to talk about five factors that a yogi needs to have. Five factors that if a yogi has them, she can realize Nibbana in this lifetime. Ce soir, j'aimerais parler de cinq facteurs qu'un yogi devrait posséder. S'il possédait ces cinq facteurs, il pourrait réaliser Nibbana dans cette vie même. Alors, la première de ces qualités, c'est la foi. Dans les textes, il est dit qu'il faut avoir foi dans le Bouddha, dans l'illumination du Bouddha. Et pour les gens de l'Est, pour les gens de l'Orient, je veux dire, pour les gens qui sont nés dans des pays bouddhistes, c'est naturel. Ils possèdent cette foi pas nécessairement parce qu'ils croient dans les qualités du Bouddha, mais parce qu'ils ont été éduqués de cette façon. Donc c'est un niveau de foi qui est plus élevé. Donc simplement avoir foi dans le Bouddha parce qu'on a été éduqué ainsi, c'est bien, mais avoir foi dans le Bouddha parce qu'on connaît ses qualités, cela représente un niveau plus élevé de foi. On en a parlé plus tôt dans un enseignement précédent. On a parlé des qualités spéciales du Bouddha, par exemple celle d'Araham, qui signifie qu'il est complètement pur, qu'il ne commet aucun mal, même en cachette, et que pour cette raison, donc, il est digne de respect. Lorsqu'on a cette foi, ce type de foi qui est basé sur la connaissance de ses qualités, des qualités du Bouddha, c'est donc un niveau de foi plus élevé que simplement croire dans le Bouddha sans réellement savoir qui il est ni quelles sont ses qualités. Pour certaines personnes, il est difficile de croire en un individu, mais pour ces personnes-là, croire que les bonnes actions, les bonnes paroles, la parole juste et les pensées justes amène des bons résultats est suffisant. Avoir cette foi-là est suffisant. Croire que les mauvaises actions, les paroles erronées, enfin injustes, ou les pensées mauvaises amènent des mauvais résultats, c'est suffisant. On peut pratiquer de façon efficace avec ce niveau-là de foi, en ayant cette croyance-là. Si on ne croit pas que les bonnes actions amènent des bons résultats et que les mauvaises actions amènent des mauvais résultats, on n'accomplira pas le bien et on n'évitera pas non plus de faire le mal. La seconde de ces qualités, c'est la bonne santé. Alors de nos jours, les maladies sont très nombreuses et il n'y a virtuellement personne qui est en parfaite santé. Mais si on attend d'avoir une parfaite santé, alors on ne se mettra jamais à la pratique. Alors Sayadoji, c'est-à-dire Upandita qui a écrit le texte sur lequel Sayali se base, a dit qu'il était suffisant d'avoir une bonne digestion et d'être capable de dormir la nuit, que ce niveau de santé-là était suffisant pour pouvoir pratiquer. La troisième qualité, c'est l'honnêteté. Et les étudiants devrait être ouvert et franc à propos des expériences qu'ils rencontrent pendant la méditation. Donc dans ce système que l'on suit ici, il y a un enseignant qui doit pouvoir guider l'étudiant et il ne peut le faire que si l'étudiant est honnête par rapport à l'expérience qu'il rapporte. On ne devrait pas prétendre avoir des qualités que l'on ne possède pas. Par exemple, on peut imaginer qu'un yogi affirmerait qu'il parvient à rester sur l'objet du soulèvement et de l'abaissement pendant toute l'heure. Ce serait très beau si c'était possible, mais malheureusement, c'est presque impossible. Donc il ne devrait pas être timide, il devrait être réaliste. Par ailleurs, il ne faudrait pas prétendre ne pas avoir de défauts qu'on a en réalité. Donc aujourd'hui, de nos jours dans le monde, il y a beaucoup de prétentions comme cela, de faux semblants. mais on ne devrait pas suivre cette tendance et on devrait être capable de parler ouvertement de son expérience si on veut pouvoir être guidé, profiter de la guidance. Donc pour donner un petit mot d'explication pour les yogis qui viennent d'arriver, un petit mot d'explication à propos du rapport qu'on fait au professeur, parce que ça a déjà fait l'objet d'un enseignement précédemment. Donc ici, l'objet principal dans la méditation assise, c'est le mouvement de l'abdomen. Et donc quand on se retrouve à l'entretien, il faut simplement pouvoir dire si on est capable d'être conscient du mouvement de l'abdomen ou non pendant la méditation. Si on en est capable, il faut dire ce qu'on a remarqué, ce qu'on a observé. Et si on n'en est pas capable, il faut pouvoir dire qu'est-ce qui nous a empêchés de voir l'objet. Par exemple, une douleur ou quoi que ce soit d'autre. Donc en réalité, c'est très simple. Et lors de l'entretien, il n'y a pas de réponse correcte ou incorrecte à donner. La seule réponse correcte, en réalité, c'est simplement dire ce qui est, ce qu'on a expérimenté. Donc en général, lorsqu'on pratique la méditation assise, il y a des pensées qui arrivent. Alors, est-ce qu'on est capable de les noter ou non? Ça aussi, il faut rapporter au moment de l'entrevue. Si on parvient à les noter, qu'est-ce qu'on a remarqué? Ou bien alors, pendant l'assise, il y a des douleurs qui apparaissent. C'est aussi quelque chose qu'il faut noter. Et c'est aussi quelque chose qu'il faut mentionner au moment de l'entrevue. Est-ce qu'on est parvenu à noter cette douleur? Si on n'y est pas parvenu, pourquoi? Est-ce qu'on a été terrifié, par exemple? Tout ça, c'est important et ça constitue une partie importante du bénéfice qu'on peut tirer de la collaboration avec un professeur. Alors, ces trois premiers facteurs, donc la foi, la bonne santé et l'honnêteté, sont suffisants au début de la pratique, pour démarrer la pratique. Si on possède ces trois facteurs à un faible degré, eh bien, il sera plus facile pour l'instructeur de guider le yogi. Si on ne les possède pas du tout, l'instructeur ne pourra pas faire grand-chose. Si, à l'inverse, on les possède pleinement, on sera tout à fait en mesure de recevoir l'enseignement. Donc ces trois facteurs, c'est tout ce dont on a besoin au début de la pratique. Nous avons tous un certain degré de foi, sans quoi nous ne serions jamais venus ici. Et cette foi vient soit de notre propre expérience, si nous avons déjà pratiqué dans le passé, soit de l'ouï-dire, de ce que nous avons entendu d'autres personnes qui ont parlé des bénéfices de cette pratique. De nos jours, on parle beaucoup de la méditation comme d'un moyen pour réduire le stress. Mais le premier bénéfice que le Bouddha a mentionné, notamment dans le Mahasatipatthana Sutta, c'est la pureté de l'esprit. Le yogi expérimenté sait que s'il applique les instructions, son esprit deviendra concentré, il sera capable de rester sur l'objet et son esprit n'ira pas vers les pensées malsaines. Il n'y aura pas de désir de voir, d'entendre, de sentir, de goûter, de toucher, de penser à des choses agréables. Il n'y aura pas non plus enfin, l'esprit ne se rendra pas non plus vers les objets qui sont susceptibles d'éveiller la colère. Non, l'esprit restera stable. Si on essaye de voir pour nous-mêmes, on verra les résultats de cette pratique. On verra donc qu'il est possible d'obtenir un esprit qui est stable, qui est libéré des choses qui nous rendent malheureux, qui nous libèrent de l'avidité, de la colère et de la confusion qui nous rendent malheureux. Si on entend parler de ces bénéfices, le désir le désir d'obtenir ces bénéfices va émerger en nous. Le quatrième facteur, c'est l'effort. Et la première chose que nous devons nous dire à nous-mêmes, c'est de continuer à essayer, de continuer la pratique. Donc on observe le mouvement de l'abdomen pendant la méditation assise, on observe le mouvement des jambes pendant la méditation en marche, et on doit faire un effort concerté pour observer toute la journée, du moment où on se lève jusqu'au moment où on va se coucher. Donc tout cela demande de nous que nous observions toujours, constamment, l'objet qui apparaît, que nous fassions un effort pour aller vers cet objet et que nous visions cet objet à chaque seconde. Donc les deux facteurs de l'effort, l'effort et de la capacité à viser l'objet, l'effort nous amène à l'objet, nous fait rencontrer l'objet, et la capacité à viser nous évite d'arriver trop tôt avant que l'objet ne soit en fait apparu, ou d'arriver trop tard après que l'objet est déjà disparu. La puissance du mental procède de la continuité de l'observation. S'il y a des trous dans notre effort, et donc aussi des trous dans notre attention, les pollutions mentales, comme la paresse par exemple, auront une chance de pénétrer notre esprit. Alors il y a une métaphore qui illustre très bien la nécessité de maintenir un effort continu. Alors cette métaphore, c'est celle de la passerelle étroite dans une région montagneuse. Il faut imaginer une passerelle qui permettrait de joindre deux montagnes et qui passerait au-dessus d'un ravin profond. Et cette passerelle serait juste assez large pour permettre à un seul pied de prendre appui. Donc quiconque traverserait cette passerelle serait contraint de mettre un pied devant l'autre, et très précautionneusement, et il devrait accomplir chaque pas avec une grande attention, sauf faute de quoi il risque de tomber. Donc ce que ça signifie, c'est que dans la méditation aussi, chaque instant de la pratique est important. Et il faut développer cette attitude, il faut avoir cette attitude. Si on parvient à développer cette attitude, on ne perdra pas aussi facilement notre attention. Et si jamais on la perd, on se souviendra de ramener notre attention vers l'instant présent. On se souviendra au moment où on la perd de la ramener vers l'instant présent. Les yogis qui essayent de cette façon de maintenir tout le temps leur attention, qui sont zélés, sauront aussi quand ils ont été attentifs et quand ils ont perdu leur attention. Chaque fois que nous remarquons que nous avons perdu l'attention, il suffit de ramener l'esprit là où nous sommes à ce moment-là. Que nous soyons assis, que nous soyons couchés, en marche ou debout, peu importe. Peu importe aussi le temps que nous avons été distraits, la seule chose qui compte, c'est de ramener son attention là où nous sommes à ce moment-là. Et si nous faisons cela encore et encore et encore, les trous dans l'attention vont devenir moins nombreux et nous aurons une meilleure attention et nous améliorerons aussi notre méditation assise et notre méditation en marche. Une autre chose qui va nous aider, c'est d'aller plus lentement que d'habitude. Et il y a une autre métaphore qui illustre très bien l'importance d'aller lentement. C'est celle de la charrette remplie d'eau. Donc dans les temps anciens, on allait chercher l'eau à la rivière et on remplissait des amphores ou des jarres d'eau que l'on mettait ensuite dans une charrette pour les transporter vers le village ou un autre endroit. Et la route du retour était inégale, et donc on était contraint d'aller très lentement et très précautionneusement, parce que si on allait vite, l'eau serait ballottée dans tous les sens et elle sortirait de la jarre, elle déborderait de la jarre, et au moment où on arrive, il n'y aurait presque plus rien, parce qu'on aurait perdu un peu d'eau, chaque fois un peu plus, et il resterait presque plus rien au final. Alors, il y a une autre métaphore qui illustre très bien comment on peut perdre l'attention et la concentration sans même le remarquer. Je sais pas si vous avez déjà essayé d'attraper des grenouilles, mais en Birmanie, les gens attrapaient des grenouilles et les mettaient dans des grands sacs. Et à la fin, leur sac était plein de grenouilles, mais ils devaient les tenir fermement à l'ouverture, parce que s'ils ne le faisaient pas, les grenouilles, sans qu'on le remarque, gigotaient et parvenaient à sortir incognito du sac. Donc c'est la même chose pendant la méditation. Si on est trop rapide, on ne remarquera pas qu'en fait on est en train de gaspiller, de perdre toute la concentration, toute l'attention qu'on avait accumulée. Et lorsqu'on reviendra à notre coussin de méditation, on devra repartir à zéro. Et pour indiquer comment on doit aller lentement et précautionneusement pour ne pas perdre la concentration qu'on a accumulée. Mais en plus de cela, il faut qu'on fournisse un effort au moment de la méditation assise. Et je voudrais surtout parler à présent des douleurs dont je n'ai pas encore parlé au cours de cette retraite. Donc les douleurs, en fait, c'est quelque chose d'assez naturel qui se trouve dans notre corps, qui se produit dans notre corps. En fait, il se produit quasiment tout le temps. Les douleurs se produisent quasiment tout le temps. Mais comme on est toujours accaparé par nos activités dans la vie quotidienne, on ne le remarque pas. Donc nous devons nous souvenir que l'observation de l'objet qui apparaît peut nous permettre de gagner la véritable connaissance. Et nous devrions donc observer les douleurs jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Au moment où la douleur apparaît, il ne faut plus observer le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen parce que on sera frustré parce qu'il y aura un autre objet, donc la douleur, qui nous occupera à ce moment-là. Et on ne parviendra pas à bien observer le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. Donc une fois que la douleur est apparue, il faut qu'on l'observe. Et il faut qu'on l'observe jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Donc dans la pratique de Vipassana, les douleurs ont tendance à apparaître rapidement. Dans la pratique de la méditation, de la concentration, par contre, il est facile de ressentir rapidement des sensations agréables. Dans la pratique de Vipassana, il est facile de ressentir assez rapidement des sensations désagréables. Donc nous devons juste être patients et nous devons observer la douleur. Nous devons évaluer à quel point elle est terrible. Est-ce qu'elle s'enfonce dans la peau, jusque dans la peau? Est-ce qu'elle s'enfonce jusque dans les os, donc ou dans les muscles? Et qu'est-ce qu'on connaît en l'observant? En observant la douleur, est-ce qu'elle augmente? Est-ce qu'elle diminue? Est-ce qu'elle reste au même niveau? La méditation sert à rendre l'esprit calme et avoir un corps qui est lui aussi calme fournit un grand soutien à cette pratique. Donc nous ne devrions pas changer de posture tout le temps. Ça ne nous aidera pas si on ajuste constamment notre posture, parce que dans ce cas-là, ce sera difficile de développer la concentration. Par ailleurs, si on observe la douleur, on va pouvoir construire de la concentration. Et lorsque cette concentration sera devenue suffisamment forte, nous commencerons à voir les douleurs disparaître. Tant que la concentration ne sera pas assez forte, nous sommes condamnés à souffrir. Mais il y a plusieurs façons de gérer la douleur. Alors une première façon, c'est dans le cas où la concentration et l'attention sont bonnes et sont fortes. Dans ce cas-là, on peut continuer à noter jusqu'au point où on pourra voir la douleur commencer à disparaître. Mais bien sûr, il ne faut pas avoir cet objectif-là en tête. C'est un peu comme une bataille. Si on sent que si la force est de notre côté, qu'on a plus d'armes et plus de soldats, on peut sans hésiter aller au combat et on l'emportera probablement. Et les douleurs ne nous dérangeront plus. Donc parfois, dans notre armée, il n'y a pas autant de gens ni autant d'armes que dans celle de l'ennemi. Et dans ce cas-là, on en est réduit à mener une guerre de guérilla. C'est-à-dire qu'on tire une flèche et puis on s'en court. Et puis on tire de nouveau une flèche et puis on s'en court. Dans la méditation, c'est la même chose. La concentration n'est pas assez forte. Mais on est obligé de continuer à observer la douleur. Mais on peut arriver à un moment où on ne veut plus observer la douleur. Et à ce moment-là, on peut revenir à l'observation du soulèvement et de l'abaissement de l'abdomen. Et ça nous donnera, ça nous soulagera quelque peu, ça nous donnera l'occasion d'accumuler un peu de concentration. Et puis quand nous reviendrons, ça nous permettra d'accumuler un peu de concentration, mais quand nous reviendrons pour observer à nouveau la douleur, à ce moment-là, nous serons obligés de fournir vraiment beaucoup d'efforts. Non, pardon. Sorry. Donc, c'est le contraire. Donc, si on arrête d'observer la douleur et qu'on observe le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, il faudra fournir un très gros effort parce qu'on risque d'être attiré par la douleur. Donc, il faudra fournir un très gros effort pour ignorer la douleur et pour parvenir à observer le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. Si on ne fournit pas ce très gros effort, on sera de nouveau attiré vers la douleur. Mais toujours est-il que même si on est revenu sur le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, la douleur peut de nouveau se manifester, attirer notre attention. Et alors on peut commencer à l'observer. Et en l'observant, notre concentration va se renforcer, la douleur aussi va se renforcer. Et c'est de cette façon qu'on observe la douleur et puis qu'on revient à l'abaissement de l'abdomen. Puis on observe à nous la douleur et on revient à l'observation de l'abdomen et ainsi de suite, on continue comme ça. Enfin, donc ce qui peut se produire, c'est que la douleur devienne tout simplement de plus en plus forte jusqu'au point où elle est insupportable. Et tout comme dans une bataille, à un moment donné, il faut sonner la retraite, ici aussi, on peut changer de posture. Mais dans une bataille, lorsqu'on opère une retraite, il faut le faire de manière gracieuse et de manière systématique. Et face à la douleur, lorsqu'on veut changer de posture, il faut qu'on le fasse avec attention. Et on commence par observer la sensation ou l'intention de changer de posture. Et à partir de ce moment-là, on observe tous les mouvements que l'on fait pour changer de posture, jusqu'à ce que la nouvelle posture soit entièrement adoptée, et à ce moment-là, on reprend l'observation du soulèvement et de l'abaissement. So for tonight, this is all, and I hope that you'll all be able to apply the instructions for the practice and gain the benefits that you desire, including all the way up to Nibbana. So that's all for today. Donc j'ai parlé principalement des facteurs dont le yogi avait besoin pour parvenir à la libération. Donc il y avait la foi, la bonne santé, l'honnêteté, une certaine dose d'effort. Et enfin, j'ai parlé en partie donc de l'effort. Et dernièrement, le facteur dont je n'ai pas encore parlé, c'est la capacité à voir l'apparition et la disparition rapide des phénomènes. Mais c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que les yogis seront capables d'appliquer les instructions et de gagner les bénéfices qu'ils désirent. Salut.